La signalisation indique que je vais emprunter une route pour automobile. Pour plus de sécurité, ces routes à circulation rapide sont interdites à certains usagers qui se déplacent lentement. Piétons, tracteurs, cyclomoteurs, etc. Réponse B.